j'aperçois une limousine Nec plus ultra. C'est le diable, je le connais, il me connaît, il me lâchera pas. Nous arrêtons le plan suivant, faire s'entretuer des tas de gens. Non sans avoir fait tout d'abord, brûler quelques énormes bâtiments. Non sans avoir fait tout d'abord, brûler quelques énormes bâtiments. Je me mets à l'ouvrage, oui j'avoue d'abord un peu mollement. Puis enfin le cœur vient et allons-y gaiement. Il suffit d'exciter la connerie de tous ces braves gens. Pour qu'en deux temps et trois mouvements, ils se mettent à se rentrer dedans. En moins de temps qu'il ne me faut pour te faire un enfant. Attends un peu avant de me dire que tu voudrais des petits bébés. Les gens aiment bien quand ça fait mal. Et y'a pas de mal à se faire du bien. À se faire du bien! Edgar était un vrai Soulon, il écrivait toute la journée, il n'écrivait pas de chansons, mais des contes où l'assassin l'emportait toujours haut la main, la victime était homme de bien. Se sentait pris malgré les honneurs et les prix. De l'alcool était avili. Courant d'une ruelle à l'autre, son paletot se déchirait. Dans la boue il se rassasiait, dans la vermine il se vautrait. Sommeille au fond d'un manoir décrépit, jouant de ses mains anguleuses une valse de Chopin affreuse. Sur les ondes de C'est fou, voici maintenant le bulletin de nouvelles de la première chaîne de